chaud, tu vaux $1,000,000. Elle veut me contrôler. Elle me dit t'en trouveras pas deux comme moi. Laisse-moi t'honorer. Je prendrai soin de toi car t'es mon bijou. Mon bébé. Si tu veux aller chercher ton bonheur ailleurs, joue cette game over. Je viens de loin, pour toi je suis là, j'ai qu'une seule parole. Tellement que je t'ai dans les poches, je me sens comme au pas. Sur ta main, je mets le diamant et mon ballon d'or. Bébé, je donnerai tout pour que tu deviennes my love. Ah, ah, my love. J'ai sorti la dernière location. Toi et moi à la vie, à la mort. Si je règle ton cœur, je garde la caution. Évidemment, je pense qu'à toi. C'est personne si c'est pas toi. Évidemment, je ne pense qu'à toi. C'est personne si c'est pas toi. Je viens de loin, pour toi, je suis là, j'ai qu'une seule parole. Tellement de kishta dans les poches, je me sens comme au pas. Sur ta main, je mets le diamant et mon ballon d'or. Bébé, je donnerai tout pour que tu deviennes my love. Ah, ah, ah, my love. Ah, ah, ah, my love. Ah, ah, ah, my love. Ah, ah, ah, my love. Ah, ah, ah, my love. Oh my.